Hi, this is Lee John of Imagination. Écoutez. RLM. Lee John of Imagination, you're listening to Illusion. RLM. RLM, c'est toujours aussi bon. Et c'est toujours aussi bon aussi pendant l'émission 120 au compteur, comme tous les mardis soirs. Salut, moi c'est Harry, comment ça va? Donc j'espère que vous êtes nombreux à l'antenne à nous écouter depuis plus d'un mois maintenant. Et oui, et puis on peut le compter, on peut être sûr que c'est plus d'un mois, puisqu'on est avec Stéphane ce soir. Oui, bonsoir. C'est vrai que le temps passe hyper vite. Bien sûr, avec donc cette fois-ci c'est le deuxième défi mix. Alors c'est le troisième, et on va dire que c'est le deuxième officiel. Voilà. Puisque c'est chaque premier mardi du mois, donc effectivement, on est déjà en avril. Mais c'est un plaisir renouvelé chaque mois. Ouais, au moins, nous aussi, ça nous fait plaisir. Oh, c'est beau. C'est trop beau. C'est vrai, quoi, dis donc. Ouais. Qu'est-ce qui rigole comme ça? Rappelle-nous donc le principe du défi mix, évidemment. Le principe du défi mix, c'est que je suis venu avec un sac à mix qui comporte un peu plus de 800 titres des années 80 à aujourd'hui. Donc vraiment, toute période confondue. Et donc objectif, vous allez tirer au sort 6 titres parmi ces 800 titres, et objectif pour moi, ça va être de les mixer, d'essayer d'en faire une seule session d'une quinzaine de minutes, sachant que voilà, donc on mélange presque 40 ans de musique. Et même différents styles. Ouais. Donc ça peut des fois être très folklorique. Ah ouais, on passe du Maurice Chevalier à du Bruno Mars. Pour rappel, quand même, lors de la dernière session du mois de mars, on a commencé avec un Stéphane Escher sur la dernière session et on a terminé sur Nirvana. Ouais, voilà. C'était assez chaud en 10 minutes. Ouais. Bah, on fera tirage au sort juste après les présentations, bien évidemment. Alors, courtoisie oblige, on va présenter aussi notre petite Onissa. Allô, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Forcément. Bonsoir Onissa. Tout va bien? Ça va. Et toi, la fièvre, ça va? Oui, j'étais malade et après, mais c'est bientôt les vacances, ça va me faire du bien. Bon, c'est bien, nickel. Ce soir, on te retrouve avec une chronique? Oui. Et tu vas nous parler de qui, de quoi? Alf. Oh, super. Willy, donne-moi ton chat. Ah oui, il adorait les chats, lui. Ouais. Ah ouais, carrément, ça va être cool, ça. Sherlock, évidemment. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir. Et donc toi, tu vas nous parler de... Je vais vous parler d'un film de l'année 1993. Oh, comme la semaine dernière. Non, c'était 92, je crois, la semaine dernière. Are you sure? No, but je vérifierai. Chez moi. L'info, il va y vérifier. Et bien sûr, les sorties cinéma. Et les sorties cinéma, effectivement. À 22h30, donc les sorties cinoche. Non. À 21h30. On commence par le premier tirage au sort. Bien sûr. Faites-vous plaisir. Allez. Deux chacun. Allez, deux pour Onissa, okay. Deux pour Sherlock. Alors par contre, parle bien devant le micro, parce que sinon on va... Est-ce que comme ça va? Ah oui, t'entends très bien, c'est magnifique. Ouais, on va partager nos herpès. C'est ça. Voilà. Allez hop là, attention, moi j'en prends deux. Allez Onissa, à toi de jouer. Donne-nous le titre et il faut que tu chantes. Hein. Aïe. Bah écoute, non. Philippe Russo, Magie Noire. Bah oui. Ah bon bah, je vais le retirer de ma playlist parce que c'était déjà prévu. Par contre, c'est pas grave. Ouais, Sherlock, tu peux peut-être nous le... Oui, tu peux chanter. La, vas-y. La. C'est ta magie noire, comme un baiser sur ma peau. Il est chouette, lui. Bien sûr. Il ferait presque un jingle à lui tout seul. Ouais, c'est vrai. Il faudrait juste rajouter RLM. C'est vrai. C'est Sherlock. Je chante magie noire sur RLM. Et le deuxième, c'est Orchestral Manor Vincent. The Dark Secret. Ah oui, oui. Et aussi la, parce que. Non, bah là c'est Harry qui va le faire. Secret. Bah, je crois que c'est la musique d'une. Ça a été la musique longtemps d'un slogan pour une banque, pour la BNP. D'accord. Là, tu vois quoi là? Ah oui. Non, c'est pas celle-là. C'est ça. Pour moi, c'est pas ça. Ah. Ah bon, on verra tantôt. Non, il dit secret dans la chanson. Secret. Ouais. Mais alors, qu'est-ce qu'il dit après? Ça me faisait un peu penser à Rookie Zookie, hein, comme tu l'as commencé. Ouais, secret Zookie. Bon, écoutez, vous redécouvrirez ça voilà, dans quelques instants. Alors, moi, j'ai les Pet Shop Boys avec It's a Sin. Ah oui. C'est bon, ça. Voilà. Bah, tu vois, ça, je connais par contre. Bah, vas-y, fais-toi plaisir. Bah, non, hein, je vais pas. Il pleut déjà. Si. Donc, ça fait It's a Sin. Voilà. Et ensuite, j'ai. Alors, Man of Mind avec Save Me a Place. Oh, ah, bah, alors, parce que là, c'est vrai qu'on est resté fort années 80. Donc, ouais. Partir dans des. A Girl Remix. Ça doit taper fort. Je me pense. A Girl Remix. Ok. Alors, bah, ça, moi, j'ai. On est dans les périodes actuelles. Vas-y. Moi, j'ai du Tom Odell avec Another Love. Alors, le Zweit Edit. Là, par contre, ça Tom Odell, du. Enfin, Tom Odell, ouais, ça me dit quelque chose. Ouais, mais bah, là, c'est une version un peu plus dansante, un peu plus rythmée. Ça va bouger. Ouais, j'ai eu l'occasion de passer ce week-end, tiens, d'ailleurs. D'accord. Oh. Et ensuite, c'est Grungerman et Andreas Doro. Oui. Avec Girls in Love. Ouais. Ça c'est bon. Ça, j'aime bien les années 90, ça. Ouais. Ah, mais ça avec Girls in Love. Ouais, c'est ça. Sur RLM Krunger. Hello, it's Krungerman. Sur RLM. Eh ben, on va se faire une petite coupure musicale le temps que notre ami Stéphane se prépare. Donc tu vires ton Philippe Rousseau, hein, du coup. Ouais, bah ça, oui, de suite là, je le retire. Bah, c'était le dernier que je devais passer, donc je chercherai un autre. Là, on va partir avec Eat House et Move Your Feet to the Rhythm of the Beat. Ah, ouais, bien. Alors, Move your feet to the rhythm of the beat. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ah ouais. Allez, bon, on se retrouve tout de suite après. Donc, Eat House avec Move Your Feet to the Rhythm of the Beat. Ça va. Hi, everyone. I'm your best friend back in town again to get you on your dancing feet. c'est Jean-Luc Fong de Stella et vous écoutez RLM à la radio. Ça sert à rien que je dise la fréquence parce que s'ils l'écoutent, c'est qu'ils ont la bonne fréquence, tu comprends? Donc je vous dis pas la fréquence, vous n'avez qu'à regarder sur votre poste. RLM 107.9 FM. Donc il le dit bien Jean-Luc Fonck, c'est bien 107.9. J'espère que vous passez un bon moment avec nous. On a démarré depuis une petite quinzaine de minutes, le temps que Stéphane prépare sa petite session. On a peut-être le temps justement de reparler d'un bel événement qui a eu lieu donc ce dimanche au salon Les Orchidées à Waterloo. Oui. Donc belle soirée qui a démarré donc en trombe avec une soirée karaoké. Oui, exact. Voilà. Et puis derrière les platines, notre ami Arnaud qui a mis le feu jusqu'à plus de 3h du matin. C'est ça. Et on a passé un très très bon moment. T'as même chanté, tiens, dis donc. Oui, c'est vrai. Bah, il m'a fait une petite blague aussi. C'était le 1er avril, il en a profité. Il m'a envoyé un texto en me disant ouais, c'est bien, t'as géré la chanson. Franchement, c'était bien. Moi, j'étais tout content. Et puis juste au moment où je le regarde pour lui faire tu as un pouce en l'air, tu vois, je reçois un autre texto et il était noté poisson d'avril. Oh. Je fais enfoiré. C'est pas possible. Faut avouer quand même que tu t'attaques à un gros morceau qui est Hello de Lionel Richie. Et franchement, c'est quand même pas évident à chanter. Ouais. Mais tu t'es super bien débrouillé. Mais il n'y avait pas de Stevie Wonder, sinon j'aurais fait un Stevie Wonder. C'est vrai, moi je te voyais bien chanter. I just go. Ouais, ouais. To say. Tu chantes bien. Je lui ai dit pour la prochaine fois, il me faut un Stevie Wonder. Bon, bah écoute, de toute façon, il y en aura des prochaines, je pense. J'espère, oui. Il n'en est pas à son premier essai. Hein. Donc, c'est le Salon Les Orchidées qui organise donc régulièrement des soirées à thème, des karaokés. Et vraiment, c'est un bel écrin. C'est un bel endroit qui est tenu d'une main de maître par notre ami Abdel et puis toutes les serveuses. Je salue au passage Karine d'ailleurs. qui a un petit surnom. Ouais, que j'ai surnommé Margarine pendant toute la soirée. Margarine. Non. Mais très sympa en tout cas. Ils sont au petit soin avec leurs clients et leurs convives. Et vraiment, le Salon des Orchidées, c'est une adresse que je vous conseille. C'est à Waterloo, c'est juste en face du cimetière. Je peux vous dire, c'est un endroit mortel. C'est à côté du crématorium. C'est ça. Quelle horreur. Et ils vous mettent le feu. Hein. Quelle horreur. Non, alors, par contre, j'ai cru comprendre que la prochaine soirée serait le 20 mai. Ah bien, d'accord. De toute façon, vous allez après, ce sera confirmé au moment venu, mais je pense que ce sera aux alentours du 20 mai. Bon, de toute façon, nous, on vous reparlera aussi d'une autre soirée qui va avoir lieu donc ce week-end. On va laisser le temps à Stéphane de nous faire sa première session et on vous en parlera juste après. Puisque ça ne veut pas d'ici, évidemment. Est-ce que tu es prêt d'abord? Oui, oui, on va se débrouiller. Mais ouais, on va démarrer avec le fameux Philippe Russo, d'ailleurs. Ah oui. Maginois. Ok. Et puis, la suite, on verra. C'est de l'impro. Ah bah, c'est bien. Il n'y a rien de... Mais c'est le but. Fais péter le son. Allez, bah, c'est parti. C'est pas du pro, hein, c'est de l'impro. Et puis tu manges comme une orange, des yeux, ça, c'est toi qui lis, mais moi je te suis quand même. Oh. gedacht und ihrem Leben ein Ende gemacht. Als der Boy dies erfuhr, holte er sie von der Schnur. Und der Boy weinte sehr, denn sein Girl, das war nicht mehr. Girls in love, girls in love. Der Boy weinte sehr, denn sein Girl, das war nicht mehr. Girls in love, girls in love, girls in love, girls in love. Dernière sur la fréquence, premier sur les hits, RLM tous les jours, le meilleur des années 80 à nos jours. RLM, RLM, 107.9 FM. Oui, toujours dans l'émission 120 au compteur sur RLM, toujours un vrai plaisir d'être sur l'antenne de RLM et d'autant plus un plaisir avec notre ami Stéphane. Eh ben oui, mais moi aussi, je me suis fait plaisir. Ouais, ben on a vu votre ça. Votre tirage au sort assez éclectique. Ouais, absolument. Ouais, c'était cool. Les là, années 80, hein. Du 90, du 2000, du 2018. Oui, on a bien couvert. Ah ouais, carrément, carrément. Alors, disons-le quand même, c'est que si on souhaite voir à l'œuvre, il suffit tout simplement donc de venir samedi soir à l'élection du prince du carnaval, puisque tu vas faire une petite session. Oui, donc ça, on avec parle de... Waterloo, hein. Oui, bien sûr. L'élection du prince du carnaval, donc samedi soir, alors c'est à partir de 19h30. Et toi, tu m'y fais vers quelle heure? Alors, il y aura plusieurs sessions. Alors, peut-on vous donner les horaires exacts? Ça va pas être évident. Je crois qu'ils vont démarrer à 22h. Vous allez démarrer à 22h si tout va bien. Et puis après, vous allez mettre le feu jusqu'à 1h. Et puis, voilà, ça va être ambiance festive avec notre ami Nono. Oui, ça va être le petit robot. Ouais. Ah oui, ça va être la fête. Hein. Ça faisait longtemps, effectivement. Il y a un oiseau qui. C'est Nono. C'est Nono. Donc, c'est samedi soir. Alors, par contre, si vous souhaitez vous y rendre, il faut impérativement avoir les invitations. Et pour avoir les invitations, il suffit tout simplement de. C'est ça, siffle ici, c'est bizarre. Il suffit tout simplement donc de se rendre soit en mairie ou alors à l'office de tourisme de Waterloo pour aller récupérer vos invitations. Sans invitation, vous ne pouvez pas rentrer. Je préfère vous prévenir tout de suite parce que c'est quand même une soirée select. Mais il y aura du beau monde en général. Si c'est select, plus de 1000 personnes. Quoi, donc voilà. Oui, puis c'est non, c'est festif. Tenue correcte exigée ou pas Tenue carnaval. À l'entrée déjà. Carnaval, d'accord. Après c'est carnaval. Il faut être habillé. Voilà. D'accord. Je vois bien. Juste pour rentrer. En costume de quoi? De sumo, je vois pas. Oh non, Casimir. Non, Casimir. Ah oui, Casimir. Ah, bien entendu, donc. Moi j'aime bien ça. Alors, moi ce que je propose, c'est qu'on fasse ce tirage au sort pour la prochaine session. On fait une toute petite coupure musicale et on retrouve Onissa qui va nous parler évidemment alors, d'un extraterrestre que j'adore. Plein de poils. Voilà, plein de poils. On va pas parler de Sherlock. Canon. qu'on n'a pas salué ce soir. C'est vraiment quand Canon. Il est pas là, même s'il n'est pas là, il fait parler de lui. Canon, effectivement, qui n'a pas pu, pour des raisons professionnelles, être avec nous ce soir. On le salue, évidemment, mais il sera là la semaine prochaine. Elle touille, oui. Onissa, elle touille. Ouais. Si vous entendez un bruit de fond, c'est Onissa qui touille le sac à mix. C'est Onissa qui touille au bas. Mais je touille que le sac à mix. Bah, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le tirage pendant la coupure musicale, oui. Et on revient, on donne les titres à Stéphane juste après. Retour. Et là, c'est une petite dédicace pour Arnaud Tirard, justement. Annie Cordy, ce serait bien. Non, pas du tout. Non, Peter-Eric. Ah non, attends. Modern Talking. Non, c'est plus. François Valéry. Non. Avec Aimons-nous vivants. Arnaud, c'est pour toi. Arnaud, c'est vraiment, qui nous écoute régulièrement. C'est vraiment pour toi. Et... Aimons-nous vivants. C'est spécialement vivants. Pour toi. Allez, bon, on se retrouve tout de suite après François Valéry. C'est parti. je t'aime, quand on est au bout de soi-même, quand il n'y a plus aucune raison de le cacher. Comme une envie de rêver tout haut, de dire enfin les mots qu'il faut, les mots faciles qui ont le pouvoir de déranger. Et ce soir, je veux briser les ponts du silence, franchir le mur du son, le temps d'une chanson. Et mon nous vivant, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Et mon nous vivant, s'il faut danser, je veux danser maintenant. Et mon nous vivant, aimons-nous debout, faisons la paix, faisons et vous êtes sur RLM. RLM, c'est toujours aussi bon. J'adore ce jingle, mais il est énorme. Avec la toute petite voix douce de Sabine qu'on adore. Et vraiment, salut, c'est Sabine Paturel sur RLM. Ouais. C'est ça. Donc, oui, Sabine Paturel que vous allez. Ah oui, non, je ne devrais pas le dire. Non, je devrais pas le dire. Non, bah dis-le pas. Non. Voilà. Mais on l'adore quand même. Qu'on va retrouver très vite dans la région. Voilà. Je vous en dis pas plus. Ah oui, bah elle est en tournée là en ce moment. Oui, mais très très proche de nous, elle sera là et peut-être que si on est gentil, si Sherlock est gentil, on la fera venir dans les studios de RLM, ah, ce sera bien. Oui. Hein. C'est très bien. J'adorerais. Donc suivez l'actualité, je ne peux pas vous en parler pour l'instant, mais sachez que Sabine Paturel sera dans les coins. Elle nous fera le jingle et il nous fera RLM. Eh, hey, t'as la voix aussi grave que le mec qui le fait. Ah, ouais. J'ai une voix très grave moi. Alors, on parle des titres alors, tout de suite. Oui, il y a un beau petit tirage au sort qui s'annonce. Alors. On dit ça. Alors moi j'ai X-Fitter Fit DJHS. Come on. Come on. Alors là, là on part dans les années, alors fin des années 90 plutôt. Ouais. Et donc son plutôt techno, enfin qui va bien vous remuer. J'ai du mal à reconnaître. Non, bah, alors pas vraiment, mais bon. Je me doute que c'est pas de la flûte de pan. Bonne époque que j'aimais bien. Okay, ouais. Et après Stéphane et Cher, pas d'amis comme toi. J'adore ce duo. Alors, pas d'amis comme toi, un titre qui était passé dans le tirage au sort du mois de mars, mais dans le tout dernier tirage au sort, celui qui a duré 10 minutes. Là. Ouais. Et donc, titre, on avait entendu peut-être qu'une seule minute. Bon, on va essayer d'en mettre un peu plus. Ouais, là, j'ai et qu'on dédicace à Canon, évidemment. Est-ce que tu viens dans ta liste You Raise Me Up? Peut-être bien, oui. Ouais. Mais à chaque fois, ça bon, ouais. Ça serait bon. J'adorerais. Moi, j'ai. Alors, Nils Van Gogh. Pulverterm. C'est-à-dire, ça, là, on est à peu près à la même époque. C'est années 90, ça, je pense. Ouais, on est dans les années 90. Et ça, je sais que ça va faire plaisir à Arnaud. Et là, sérieusement. Ah ouais. Sérieusement. On est toujours sérieux. Si tu nous écoutes. Alors, j'ai toujours du OMD, Orchestra Manœuvre in the Dark, avec Locomotion. Moi, ça me fait penser, mais je suis pas certain, mais un titre des Beach Boys. Oui, mais c'est ça, moi j'ai suivi. Parce que ça, c'était. On a aussi. Kylie Minogue qui avait repris. Ouais, c'est ça. Est-ce que ce titre a un rapport avec tout ça? Je ne me rappelle plus. On le découvrira. On va le découvrir en direct. Je m'excuse, sur 800 titres, je n'ai pas retenu forcément. Alors moi, j'ai l'affaire Louis Trio avec Non, tout mais pas ça. Tais-toi, non, ne raconte pas ça. Tais-toi. Il faudra mixer ça avec Madonna et la Isla Bonita. Oh, yeah, moi, j'ai quand même quelques inquiétudes. Alors la Isla Bonita, qui à la base était prévu pour Michael Jackson, le titre. Oui, ouais, Michael Jackson l'a refusé, Madonna l'a récupéré en changeant. Slow Bonito. Ou peut-être, ouais. Peut-être, non, mais à mon avis, les paroles ont été changées. C'est plus la mélodie, je pense, qui était destinée à Michael Jackson, qui a été remaniée un petit peu pour Madonna. Non, mais j'aime bien quand même. Bah écoute, ça marche. Et bon, on va faire une petite coupure musicale, le temps de retrouver Onissa. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis ensuite, on enchaîne avec la deuxième session de notre ami Stéphane. On va essayer de préparer tout ça. Mais oui, tu vas assurer. On se retrouve après Too Unlimited avec Let the Beat Control Your Body. Et bah, je le dédicace à notre ami Abdel qui nous écoute aussi également. Ah oui. Du Salon des Orchidées. Alors, Too Unlimited, qui est un groupe néerlandais, les producteurs sont belges. C'est un groupe belgo-néerlandais. D'accord, qui chante en anglais d'ailleurs. C'est ça. Ils ont fait l'Europe avant l'Europe. Ouais, c'est... Voilà. Bah, c'était de l'Eurodance, hein, donc on est complètement dedans. Et bah, allons-y. Allez, c'est parti. Yeah. Let the beat control your body. Let the beat control your body. Let the beat control your body. Let the beat control your body. Let the beat control your body, let the beat control your body. Let the beat control your body, let the beat control your body, let the beat control your body. Let the beat control your body, let the beat control your body, let the beat control your body. Now let my beat control your body. Move your system, change the spaces. When I'm on the mic, you can't refuse. No, I didn't gain a reach, I came to amuse. Techno making, no mistaking, never faking, always breaking it down. Hurt to a party, now let my beat control your body. Control your body. else for you to show. You can't stand still cause you got to move. You feel the baseline, you feel the groove. My beats accept you just as you are. Drives your weight just like a fast car. It's my beat, it belongs to me. So let my beat control your body. Time to move your feet, get on, y'all. Let the beat control your body. Let the beat control your body. Let the beat control your body. Let the beat control your body. Let the beat control your body. Let the beat control your body. Let the beat control your body. Now let my beat control your body. In your face. Let the beat control your body. Dernière sur la fréquence, premier sur les hits, RLM 107.9 FM. Et oui, donc l'émission 120 au compteur, comme tous les mardis soirs, de 20h à 22h. J'espère que vous passez un très très bon moment. Je vous rappelle que ce soir en Get Star, nous sommes avec DJ Stéphane pour sa chronique Défi Mix. Là, il est en train de se préparer, donc d'ici quelques instants... Vous me donnez du boulot, hein. Ouais, on lui donne du boulot ouais, à Stéphane, quand même, une évidemment. Fois par mois, tu peux, hein. Donc il sera d'ici quelques minutes... D'ici quelques minutes, vous aurez l'occasion donc d'écouter la deuxième session de notre ami Stéphane. Mais en attendant, vous entendrez une voix tout aussi douce, celle d'Onissa, qui va nous parler donc d'un dessin animé des années 80. Ouais, c'est plutôt une petite série. C'est Alf. Oui. Ouais, la petite boule de poêle. Ouais, alors parle-nous de Alf. Alors, Alf, son nom c'est God. Attends, Gordon Shumway. Gordon Shumway. Ouais, Shumway. Mais moi, j'avais pas souvenance. Moi, j'ai toujours. Ils l'ont toujours appelé Alf. En fait, c'est les Tanner qui l'ont appelé. C'est ça. Qui l'ont appelé. Alors, Alf, ça veut dire quelque chose. Ouais. Ah, ça, je sais pas. Alien Life Form. Ouais. Exactement. Ah, oui, c'est ça, oui. Mais je pensais que ça voulait dire qu'il y avait autre chose, quoi. Non, Alf, c'est Alien Life Form, en fait. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Alf. Parce que c'est une forme. De forme petite extraterrestre, ouais, voilà. Donc, comment il est, vous vous souvenez comment il est arrivé chez les Tanner, quand même? Son vaisseau spécial. Spécial. Oui, spécial qui s'est craché, ouais, voilà. Ouais. En fait, en 1985, Gordon fête ses 228 ans parce que. Ah, bah, il ne fait pas. Ouais, non, dans les Melmaciens, ils vivent 650 ans. Oui. Ah ouais. Ouais, c'est. Et donc pendant le Big Bang, donc sa planète elle explose. Il va errer pendant un an dans l'espace, tout seul, avant de s'écraser quand même dans le garage des. dans le garage des Tanner et qui habite à Los Angeles. Donc en fait les Tanner acceptent de l'héberger à vie. Mais ils doivent le cacher à leurs voisins, donc il s'ensuit plein d'aventures. Ah oui, les voisins, oui. C'est les Hochmonek. Ouais, les Hochmonek. Ah oui, c'est vrai, les Hochmonek. Ouais. Les Trevor et Raquel. C'est ça. Ils sont très des. Alf les prend vraiment pour des. Il avait toujours une chemise à fleurs, c'est ça, hein. De quoi voisin. Non, il n'y a pas toujours une chemise à fleurs. Et en fait, Alf a beaucoup de problèmes parce qu'il adore les chats. Mais pas en animal de compagnie, c'est plutôt pour les manger. En repas, ouais. Ouais, c'est ça. Donc ça crée toujours plein d'aventures. Et... Moi, je me rappelle toujours de la phrase, c'est Willy, donne-moi ton chat. Oh, Willy. Mais Alice est. Vous pouvez dire. Ouais, c'est bruit intempestif. Donc en fait, la première diffusion, ça a été en mars 88 sur Antenne 2. Il y avait 4 saisons et 102 épisodes. C'est ça. Ouais. J'ai tout regardé, je crois. Hein? Oui, après, ils ont fait plein de choses dérivées. Et Ils ont fait un film, hein, normalement, pour clore la série. Oui, mais... Enfin, ça répond à aucune question, en fait. J'ai vu le film, en gros... Alf est attrapé par l'armée américaine et ils veulent faire des expériences dessus. Oui, mais... voilà, c'est ça. Mais on ne sait pas le fin mot de l'histoire ni comment ça finit. Mais bon, c'était divertissant, c'était sympa à chaque fois. Ah, j'adorais ça. Ah, ouais, ouais, ça, c'est vrai que petit personnage. T'as pas le petit générique, hein, justement. Ah, si, il est en train de tourner. C'est de ma faute. Ouais. Alors, il y a eu deux génériques à Alf. Ça, c'est le générique de la première saison. Ouais. Et le générique de la deuxième saison, je vais vous le passer, c'est plus version saxo. Alors écoutez, ça fait ça. Ça c'est à partir de la deuxième saison. Ah, je les vois bien. Ouais, moi je préfère aussi la première. Bah oui, mais on est fort nostalgique. Hein. Je pense que notre génération, on aimait bien les premières. Mais c'est vrai qu'on sait jamais, on sait pas comment ça se termine. Il n'y a pas de fin, il n'y a rien du tout, quoi. Il n'y a rien du tout. Non. Mais bon, moi j'aimais bien. Il y a eu beaucoup de rumeurs là-dessus, comme quoi bon, Alf était un personnage animé. Parce que des fois on voit Alf en pied. Hein, on le voit oui, mais ça c'est un nain qui portait le costume. Oui, alors il faut savoir que la première personne de petite taille qui a été dans le costume a révélé que c'était lui, il s'est fait virer. Ah allez. Ah ouais, parce que c'était normalement tenu secret, il voulait pas dévoiler le mystère un petit peu de. Il y avait quelqu'un dans le costume. Seulement quand on le voyait en entier. En entier. Parce que sinon c'était beaucoup avec articulé, marionnette et tout ça. C'est ridicule, c'est quand même. Faut avouer que c'est ridicule. Pourquoi? De se faire virer parce que on se doutait bien qu'il y avait un personnage à l'intérieur. Il devait avoir une clause de confidentialité, il devait pas dire que c'était lui plutôt, mais on savait qu'il y avait quelqu'un. Il devait pas dire que c'était lui. Il l'a révélé, il s'est fait virer, ils ont pris quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a une flopée de Mickey qui ont dû se faire virer aussi. Hein. Oui, c'est vrai. C'est moi qui fais Mickey. Nous, on a quand même appris que dans Casimir, c'était. Oui, c'est moi, Sherlock. Moi, j'adore quand tu fais ça. C'est terrible, hein. Bon, écoute, merci pour cette rétrospective sur le feuilleton Alf. Tu avais d'autres choses à rajouter, peut-être? Non. Par contre, on n'entend plus rien parler. Souvent, les dessins animés de notre époque, on les retrouve sur d'autres chaînes. Et ça, pas du tout. Hein. Pourtant, c'est quelque chose qui avait cartonné. C'est vrai. Peut-être qu'ils feront un remake. Hein. On ne sait jamais. Peut-être. Ils ont fait un remake de K2000 il y a de ça à peu près 6 ans. Oh, ça n'a pas marché aussi. Il y a eu une saison. Moi, j'ai bien aimé. Je l'ai regardé, je l'ai trouvé sympa comme série. Mm-hmm. Mais n'empêche pas que c'était pas terrible. Là, ils ont refait MacGyver. MacGyver, ça fonctionne bien. Ça n'a plus rien à voir. Non, ça n'a plus rien à voir, mais ça fonctionne bien. Ouais. La série a des bonnes audiences. Mais il est nostalgique comme nous, on n'accroche pas. Hein, non, moi, j'accroche pas du tout. Moi, j'ai moins accroché. Par contre, pour l'arme fatale, bon, après, c'est un autre débat. J'ai enregistré. Moi, je trouve ça sympa quand même. Moi, je trouve ça sympa. L'esprit Martin Riggs, enfin, je sais pas. Oui, mais t'arrives à faire abstraction quand même. Que certains. Ouais, je trouve que les acteurs sont bons et ils donnent une autre dimension au personnage. Ouais. Et tu retrouves quand même le punch et la rythmique quand même quand tu es dans l'âme fatale. Que dans certains trucs, tu te dis, ça n'a rien à voir avec ce que nous, on a connu. Quoi. C'est vrai. À quand le prochain feuilleton sur 50 nuances degrés? Ouais, je sais pas si ça va passer à l'antenne. Bon, allez, on se fait une petite coupure musicale. La coupure musicale, c'est Stéphane qui va la faire, bien sûr. Ça va être une grande coupure musicale avec votre... tirage au sort, c'est complexe quand même celui-là. Hein. C'est vrai que. On va pas te fâcher de travail tout le temps. Alors c'est pas qu'une histoire de mélanger des époques, c'est surtout une histoire aussi de mélanger des tempos là. On va démarrer plutôt. Nous on peut se. Tout à l'heure on parle de beat, donc il y a pas de problème. T'as un problème de beat. Voilà, exactement. Et on va démarrer tout doucement. Tout doucement, mais sûrement. Oui, c'est ce avec qu'on dit, Madonna. Et puis bon, on verra la suite. Ouais. Mais j'ai ma petite idée. Ça marche. Au mieux, c'est la deuxième session de Stéphane. Mais le beat va grandir au fur et à mesure, je pense. Certainement. Alors, donc, n'hésitez pas à balancer vos coms, bien sûr, sur notre page officielle de 120 au compteur sur RLM 707. Ça va pas jusque 700 à la bande FM. 107.9. Oh, ça va. C'est ma fangue qui a l'orché. cómo puede ser olvidado. cette fille qui m'appelle. Elle n'arrête pas, me rappelle et me rappelle. Me rappelle sans cesse que si je la délaisse, oh oh oh, elle fera un malheur, oh oh oh, elle tuera mon bonheur, oh oh oh, elle m'arrachera le cœur et criera sur les toits tout ce qu'elle sait de moi. Elle n'arrête pas, me rappelle et me rappelle. Me rappelle sans cesse que si je la délaisse, elle fera un malheur, elle tuera mon bonheur, oh oh oh oh. Elle m'arrachera le cœur et criera sur les toits tout ce qu'elle sait de moi. Non, non, non, mais pas ça. J'adore le break. Je vais vous faire un break. Le mec qui se prépare. Coupe en fait. Voilà. Voilà, je vous ai fait un break. J'adore ce titre. Mais voilà. Ouais, il est bon, franchement, ouais, c'était ouais, chouette. Ouais. Ouais. Ouais. Belle session. Belle session. Oui. On a bien tiré le tirage au sort. Oui. On a bien tiré. Ouais. Ouais. Alors, le mix entre l'affaire Louise Trio et. X-Factor DJHS, ouais. Balèze. Franchement, très très bon. Ouais, très très bien. Allez, sans transition. C'est le meilleur depuis que je te connais. Hein 1993. C'est ça, 1993. Alors, c'est un film qui date exactement du 11 août 1993. Un mercredi. C'est ça, j'étais en vacances à Barcarès. Je vous raconte un peu ma vie. Ouais, avec Lily. Non, Lily n'était pas encore là. Hein. De quoi? Avec Lily, Lily non, non, non, pas du tout. Lily était en gestation. Non, non, j'étais célibataire. Ah. Oh là là, ah, il gestationnait partout. Alors, c'est un film de John McTiernan. Ah ouais. Donc, c'est un film, à, on va dire, à gros budget quand même, avec une musique de Michael Kamen. Ah oui. Ah oui. Donc, c'est pas n'importe quoi. Ouais. Il y a Anthony Quinn qui joue dedans. Ah bon? En 93. Tom Noonan. Bridget Wilson, Charles Dance et Austin O'Brien. Charles Dance, j'adore Charles Dance. Alors, le film a fait. Non, c'est vrai, sérieux. Ouais, bah c'est possible. C'est bien, hein, ouais. Il avait joué dans Le Fantôme de l'Opéra. Oui, c'est ça, exact. Bien sûr. Ouais. Alors, le film a fait 1 844 301 entrées au box-office français. Ouais, quand même. Ouais, c'est pas mal. Ouais, bah, pour la France, c'est pas mal. Par contre, ça a été un bide assez relatif quand même aux États-Unis. Ah. Alors je vais vous passer des petits extraits. Je vais commencer avec une chanson qu'on entend dans le film. Écoutez bien, c'est celle-ci. Est-ce que ça vous parle? Qui est-ce qui chante? Bonne série. Def Leppard. Ah, Def Leppard. C'est Def Leppard et le titre c'est Two Steps Behind. C'est un titre qu'ils ont fait spécialement pour le film qui a bien fonctionné aussi commercialement en radio. Hein. D'accord. Et pour la petite info, le batteur de Def Leppard est manchot. Oui, exact. Non, on dit ça. C'est vrai, il joue avec sa tête. Ouais, il joue avec son pied. Il joue avec son pied. Ouais, il joue avec son pied. Et il joue pas comme un pied, franchement. Ça non, casse, il casse ce rêve. Hein. Il se démerde super bien là-bas. Oui, oui, carrément. Franchement, ouais. Il faut vraiment le voir jouer parce que c'est. Faut le croire, ouais. Alors, je vais vous passer peut-être un petit extrait du film. Ça va peut-être vous aiguiller un peu plus. Oui, ouais. Alors, Michael Kamen qui avait fait aussi la musique de L'Arme Fatale. Oui, exact. Ouais. Ouais, je vois que tu connais tes classiques. Ah, bah bien sûr. Alors, écoutez bien, ça. Bon, la voix devrait vous mettre sur la piste, écoutez. Sur la voix. C'est ça. Pardon, monsieur. Êtes-vous un homme de main? Non, je serais plutôt l'homme de ménage. Vous désirez autre chose? Oui, ôtez donc vos lunettes. Qui vous autorise? Cette jolie plaque. Je vous conseille d'être très prudent, ils m'obéissent au doigt et à l'œil. Et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller, ainsi qu'à votre toutou, de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions? Oui, deux, très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées, comme ranger mes chaussettes par exemple? Deuxio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses, une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains? Alors, est-ce que la voix vous dit quelque chose? Elle a souvent été utilisée pour Arnold Schwarzenegger, mais oui, effectivement, c'est mais ça. C'est pas celle-là. Si, si, c'est ça. C'est celle-là, d'accord. C'est donc le dernier acteur que je vous avais pas donné, c'était Arnold Schwarzenegger. D'accord. Est-ce que ça a un rapport avec un duo? Oui, il fait un duo dans le film. Ouais. Et le grand méchant, c'est Charles Dance. Ah, mais oui, bien sûr. Ah, t'es toi. Mais c'est une comédie. Oui, c'est plus. Comédie. Enfin, c'est improbable. Comédie d'action. On va dire ça, une comédie d'action. Ouais. Je vais vous passer également un autre extrait du film, écoutez bien. Et ensuite, je vous passerai une musique, la musique emblématique du film, et on reviendra juste après, je vous donnerai des anecdotes. Alors, hop. S'il vous plaît, les films de Schwarzenegger. Les films étrangers sont au fond. Non, les films d'action. C'est un super héros. Sur ta gauche, au centre. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Il est fantastique, il n'a jamais été meilleur que dans ce film. Non mais dans ce film, c'est toi qui joues, c'est toi Terminator, c'est pas lui. Vous avez joué dans un film? Oui, ça s'appelait, attendez, La Blonde de mes rêves. C'était avec vous. Je me souviens très bien, on avait une scène très passionnelle à jouer. Alors là, ça se passe dans un vidéoclub. Ouais. Et ils sont devant, alors comme c'est de la radio, j'ai pas pu vous le montrer, mais ils sont devant en fait une pancarte de Terminator 2. Oui. Mais le personnage qui est joué, enfin le personnage de Terminator est joué par Stallone. Ah oui, d'accord. Il y a... C'est pour ça en fait qu'il bloque un petit peu parce qu'il dit c'est Schwarzenegger qui joue, c'est pas Stallone. Mm-hmm. Alors là, je vais vous passer la musique emblématique du film et on se retrouve tout de suite après. Je vais vous donner le pitch et les anecdotes. Ça marche. Ça, c'est du bon rock. Alors donc oui, vous aurez reconnu, c'est AC/DC avec le titre Big Guns. Ouais. Alors donc, je vais vous donner le pitch du film. Peut-être que ça va aider Onissa ou Stéphane parce que Harry a déjà trouvé. Non, mais moi j'ai le titre du film. Ouais. Je ne me rappelle absolument pas d'histoire. D'accord. Ah. Donc bah, je vais te dire. Donc l'histoire, c'est grâce à un billet magique, Danny Madigan, un enfant de 11 ans, peut vivre les aventures de son policier préféré, Jack Slater, en étant propulsé dans son dernier film. Ça y est, Ensemble, ils affrontent le danger et triomphent toujours. Mais les choses se compliquent lorsque des personnes mal intentionnées s'emparent du billet magique et gagnent New York, où le crime paie encore plus qu'au cinéma. Oui. Ah, alors donc là, ça vous parle ? C'est avec une, un grand écran, là, je sais pas quoi. C'est un cinéma. Un cinéma, oui, exactement. Il traverse le. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Succède. Oui. Oui, c'est ça. Il y a des gens, il y a des gens qui sont assis dans des sortes de gradins pour savoir. Est-ce, est-ce qu'à un moment il y a une pause où on peut acheter des chocolats et tout ça? Oui, oui, ah, oui, c'est ça. Bah ouais, je vois. C'est pour savoir si j'ai vu ce film ou pas. Vous n'êtes pas gentil. Non, non, non, on se moque pas ici. Hein. Non, parce que on rigole pas toi, on rigole avec toi, c'est pas pareil. C'est vrai. Oui, c'est pas. Alors, comme pour tout le monde. Donc, d'ailleurs, une question, t'as trouvé un jogging à ta taille? Oui, et j'ai demandé l'ananas, mais je dirais pas à qui. Alors, donc, le film au Québec s'appelle Le Dernier des Héros, et en France, le titre est sorti sous le nom de... Les Derniers des Héros. Pas du tout. Action Hero. C'est ça, Last Action Hero. Alors, donc, à sa sortie, il faut savoir que Last Action Hero a été un échec financier important, le film ayant à peine rapporté 50 millions de dollars aux États-Unis, 137 millions dans le monde, alors qu'il en a quand même coûté 85 millions. Ah oui, ah ouais, quand donc, l'une des raisons de cet échec réside dans le fait que le très lucratif Jurassic Park sortait en salle quasiment en même temps. Oh, il est ouais, sorti donc... la semaine d'avant à l'époque. Donc Schwarzenegger considère Last Action Hero comme son premier véritable échec et également comme le début de sa perte de succès au cinéma et l'urgence de se consacrer à une carrière en politique. Cela étant, le film est petit à petit devenu un film culte avec le temps, bénéficiant d'un bon bouche à oreille. Ouais, enfin, c'est pas son premier véritable échec, il en a fait plein d'autres avant, hein, Hercule et tout team. Oui, ouais, mais c'était en 77, Hercule à New York, c'était 77, c'est ça qui l'a fait connaître au contraire dans le cinéma. Donc, voilà. Alors, la production proposa à Steven Spielberg de réaliser le film, mais celui-ci refusa pour se consacrer sur la liste de Schindler. Robert Zemeckis fut lui aussi sollicité. Le comédien Charles Dance remplaça quant à lui Timothy Dalton, donc qui avait joué dans James Bond, hein, qui a fait un James Bond, donc pour le rôle de Benedict, le méchant, qui était à l'origine même prévu pour William Atherton. Je vois pas qui c'est William Atherton. Moi non plus. D'accord. Alors, donc Nick. Salut. C'est dire qu'on l'appelle Monsieur Cinéma. Ah ouais, bah écoute, il y a tellement de noms que après je m'y perds. Salut, c'est William Atherton. FLM. Alors Nick, donc qui est le projectionniste dans la salle de cinéma. Oui, bien sûr. Donc qui est joué par Robert Prosky, devait à l'origine devenir le diable, mais cela a été rejeté par les producteurs. En effet, Old Nick est l'argot britannique pour le diable. Donc il y a un whisky, je crois, qui s'appelle le whisky Old Nick. C'est le whisky du diable, en fait. Ah, d'accord. Alors, Tori Spelling, donc Donna dans Beverly Hills, pour ceux qui étaient fans de Beverly Hills, fait un caméo dans le film, mais qui a été coupé durant la phase de montage. Bah, Par contre, c'est Aaron qui devait pas être content. Sûrement, ouais. Alors, Sharon Stone effectue également un caméo à travers son personnage culte de Catherine Trammell de Basic Instinct. Ce qui peut paraître surprenant étant donné qu'elle ne s'était pas du tout entendue avec Schwarzenegger sur le plateau du tournage de Total Recall. Cela s'explique par le fait que Schwarzy lui-même lui a demandé comme une faveur en retour du fait qu'il l'avait fait connaître au grand public de faire un caméo dans ce film. Ah ouais, ok. Alors, d'ailleurs, beaucoup de stars font d'ailleurs un caméo dans le film. Alors, on peut reconnaître Ian McKellen qui y joue la mort. On le reverra plus tard dans Gandalf ou Magneto par exemple. Dans les X-Men, mais c'est pas un caméo, parce que si on le retrouve à plus tard, c'est plus un caméo alors. Ah si, là c'est un caméo, il fait qu'une apparition dans le film. Ah oui, et rappelle-nous un peu le principe du caméo en fait. Alors, le caméo, c'est tu vois un personnage pendant quelques minutes dans le film, il est pas forcément crédité au générique. C'est juste pour faire plaisir aux fans. En gros, c'est un plaisir pour les fans. Il joue un propre personnage. Alors, il joue soit son propre rôle, soit un personnage, mais qui est, on va dire, pas insignifiant, mais qui est moindre par rapport au héros du film. Ouais. Alors, il y a MC Hammer qui passe, Little Richard, Tina Turner, Angie Everhart, Jean-Claude Van Damme, Robert Patrick, donc qui jouait le T-1000 dans Terminator 2, James Belushi, Chevy Chase, Damon Wayans, donc, qui a joué dans Ma Famille d'abord et qu'on retrouve dans L'Arme Fatale, la série en ce moment, hein, qui joue Roger Murtoff, ou encore Maria Shriver, sa femme à l'époque donc de Schwarzenegger. Oui. Et même Danny DeVito y fait un caméo, mais vocal par contre, en incarnant le chat policier moustache dans la VO. Ouais. Eh bien, dis donc. Alors, au moment où les deux personnages principaux sont dans le vidéoclub, Jack, donc, qui est campé par Schwarzenegger, remarque que c'est Stallone qui s'est glissé dans la peau de Terminator, alors que Schwarzenegger incarne ce personnage dans la réalité. Stallone fera une référence à Schwarzenegger dans Demolition Man, son personnage apprenant en effet que Schwarzenegger a été élu président des États-Unis. Voilà, c'était pour le petit clin d'œil, en fait, entre stars. Ouais, voilà. Vous l'aviez vu ? Ben oui, moi, oui. Je l'ai vu, alors maintenant, je me mais je pense qu'il faudrait que je le revoie. Ah, ouais, moi, j'ai un peu zappé quand même. Je l'ai vu en cinéma de plein air. Ah ouais. J'étais à Barcarès dans le sud de la France. Oui. Ah bah, il y a des cinémas indoor aussi, hein, Barcarès. Ouais, ouais. Oui, bah il y en a également. Hein, mais ouais. Là, j'étais au cinéma de plein air. Tu peux expliquer ce que c'est pour Onissa? Qu'est-ce qu'un cinéma? Non, mais je connais. Et de ce fait-là, oui, je l'avais vu à l'époque et j'étais resté scotché devant le film. Je l'ai trouvé excellent. Ouais, il est ludique. Oui. Bon, après, c'est pas un chef-d'œuvre. Mais il est bien parce que, enfin, c'est pas une parodie. Il y en a beaucoup qui disent que c'est une parodie. C'est pas une parodie. En fait, il montre un petit peu tous les codes des films d'action. Il les tourne pas forcément en dérision, mais ils accentuent un petit peu le côté film d'action avec un petit peu d'humour dedans. Là, ils en mettent un peu beaucoup quand même, mais le film en lui-même est très bon. Et c'est juste qu'il est sorti à un mauvais moment. Sinon, je crois qu'il aurait vraiment cartonné. Ouais. Il me fait penser un peu à un film de Woody Allen qui s'appelait La Rose pourpre du Caire. Oui. Exact. C'est un peu le même principe, hein, sauf que c'est pas un film d'action là, mais. Ouais, parce que je me rappelle en. Ah, non, Woody Allen, c'est pas vraiment d'action. Non, oui, c'est ça. Non, c'est vrai. C'est plus de la réflexion. Ouais. Ok, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite coupure musicale. Oui. Comme ça, on va tirer au sort justement pendant la coupure musicale la prochaine session de Stéphane. Stéphane, t'es d'accord ? Oui, mais aucun souci. T'as pas le choix, t'as raison. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix alors. Ah non, on veut. Et puis on se retrouve juste après ça. Oui, alors juste après Milo et Ayo Technology. Oui. Girl, she work the bowl, she break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Do the thing right on the floor, and money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move, seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot, dance in your lap, be ready to fall. She's always ready when you want it. She want it like an info, the info. Show you where to meet her on the late night till daylight. The club jumping if you want a good time. She's gonna give you what you want. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe. Ready to roll, I'll be in this bitch till the club close. What should I do, no force? Now that shit, she begins to love. Different style, different move. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it popping, shorty. We can switch positions. From the couch to the counters of my kitchen. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get to her. Maybe it's too c'est Sabine Paturet et vous êtes sur RLM. RLM, c'est toujours aussi bon. Excuse-nous, Sherlock, mais ce jingle, on a un petit peu de mal. Je sais, ouais. Il y a un peu. Il y a un contraste entre la voix de Sabine Paturel et RLM. Donc, c'est marrant, elle a toute petite voix douce. Mais c'est parce qu'on avait enregistré la voix de Sabine Paturel au téléphone. Malheureusement, on n'avait pas pu l'avoir en direct à cette époque-là. Ouais. Et on l'avait eu au téléphone. Donc, c'est pour ça aussi la voix de Sabine Paturel comme ça. Mais c'est vrai que c'est un peu brut de décoffrage. Oui, quand même. Je pense qu'on aurait peut-être profité pour refaire passer l'interview de Lee John. On pourrait peut-être. Ah oui, bah bien sûr. Qu'on a fait il y a 3 ans. C'est vrai, effectivement. On pourrait. Bon, on est au tirage au sort. Oui, alors j'ai pas regardé. Alors, ça va être la surprise, attention. On m'attache fait direct. Redis ça, à ton honneur. Mylène Farmer, sans contrefaçon, Boy Remix. Oui, ça va être. Oui, si, ça, c'est bien. Ouais. Pichu, ouais. Et après, Quid. I want to break free. Ah, oui, moi ouais, j'aime bien. Oh, c'est bon. C'est en live peut-être, Queen. Non, je suis pas sûr. Non, pas précisé, non. Non, il n'est pas précisé. Non, je ne sais plus. Moi j'ai. Alors, Pouf Daddy. Ouais. Ouais. Puff Daddy. Puff Daddy. Avec parce que. Alors, ouais, tu vois ce que c'est, non. Reprise de Every Breath You Take de Police. Ah. Ah, mais ouais, j'aimais bien moi ce. Ouais, elle était sympa. Ah, ouais, d'accord, ok. Après, j'ai Rag and Bone Man. Oh, ouais. Yeah. Avec Human. Oh, je pense que c'est un remix, à mon avis, assez dansant, ouais. Et DJ Burlac remix. Ouais, c'est assez péchu. DJ Burlac. Ouais. Ah, oui, alors je suis désolé, mais c'est vrai que souvent, les noms de ouais. Les noms d'artistes dans le monde électro, c'est vrai que c'est quand même compliqué, ouais. Mais c'est bon, ça. Alors, moi, j'ai. Clubland avec Hold On. Ah oui, souvenir des années. Alors, début 90, je dirais, je pense, Clubland. Ah ouais, ça me dit rien du tout. Et ensuite, bon, on revient dans les années 2010 avec Martin Garrix et Animals. Wow. Oula. Eh ben, tu vas en dire ça. Ça tape bien. Yeah. Animals, il tape bien. Là où il joue sur des noix. C'est ça. Ah, c'est excellent. Ah, trop c'est excellent. Et ça, il aurait fallu le mixer avec Philippe Laville, tu vois. Le. Oui, bah tiens. Ça va. Bah ouais, ça aurait été un petit peu plus. Le temps d'une coupure musicale, t'attends de te préparer. Oui, on va se débrouiller. Voilà, et puis ce qu'on va peut-être faire, peut-être c'est une. Les sorties ciné. Les sorties cinoches, non. Ouais, bien sûr. Allez, coupure musicale et sorties cinoches. Ok, bah avec. Donc on revient juste après les Arcadiennes avec Folie Arcadienne. D'abord, c'est original. Et ancré sur ma peau, tous les soirs, elle reprend des couleurs, elle te fera péter les plombs. Tu peux tomber dessus dans le métro, elle se joue solo ou à plusieurs, elle te fera parfois perdre la raison. Est-ce que tu ressens les pulsations tap tap sur la caisse, fait résonner le son? Est-ce que tu sens monter la pression? La folie arcadienne. Hi, this is Lee John of Imagination. Écoutez. R.L.M. Lee John of Imagination, you're listening to Illusion. R.L.M. Là, je suis fan de ce jingle. J'adore. R.L.M., c'est toujours aussi bon. Ah ouais, bah, RLM, c'est toujours aussi bon. Vous avez ce jingle-là, j'adore. Ouais, il est excellent. Lee John, qu'on avait eu l'occasion de croiser il y a quelques temps lors de son concert à Waterloo, tiens, justement. Oui. Et on ne désespère pas le retrouver prochainement dans la région. Et puis, on s'occupera de lui, bien sûr. Oui, c'est interview. Vrai. Mais lui, je pense qu'il veut aussi te retrouver pour. Oui, ça va. Hein. Pour s'occuper de toi. C'est ça. J'ai fait un pari. Tu feras attention à ta chemise. Perdu, hein. Et j'ai perdu. Ah, c'est ouais. Ça. Bon, on a un petit bonjour, un petit coucou de la part de Pascal qui nous écoute. Pascal, du côté de l'organisation, donc de Miss Lune, donc oui. Salut. On le salue, voilà. Eh bien, salut Pascal. D'accord, c'était le week-end Pascal. Là. C'est vrai. Et ouais, donc on te souhaite une bonne fête, Pascal. Ouais. Bon, on va passer aussi aux sorties ouais, ciné. Ouais. Ouais, voilà. On va passer aux sorties ciné. Donc, je vais vous parler des sorties ciné. Donc, pour la Belgique et pour la France, je vais commencer avec la Belgique, avec le film Ghostland. Avec, c'est un film avec Crystal Reed, Anastasia Phillips et Mylène Farmer. Yeah, c'est un film de Pascal Laugier. C'est sorti en France déjà depuis le 14 mars. On n'a pas entendu parler plus que ça. Non. Alors si peut-être dans les salles de cinéma, ils ont peut-être passé les bandes annonces, mais par contre, sur internet ou sur les sites plus spécialisés, on n'en a pas parlé beaucoup plus que ça. Non, cependant, c'est Mylène Farmer quand même, donc je suis un peu étonné. Effectivement. Alors donc, c'est suite au décès de sa tante, Pauline et ses deux filles héritent d'une maison. Mais dès la première nuit, des meurtriers pénètrent dans la demeure et Pauline doit se battre pour sauver ses filles. Donc Pauline, c'est Mylène Farmer. Ah ouais. Alors, un drame qui va traumatiser toute la famille, mais surtout affecter différemment chacune des jeunes filles dont les personnalités vont diverger davantage à la suite de cette nuit cauchemardesque. Tandis que Beth devient une auteure renommée spécialisée dans la littérature horrifique, Vera s'enlise dans une paranoïa destructrice. 16 ans plus tard, la famille est à nouveau réunie dans la maison que Vera et Pauline n'ont jamais quittée et des événements étranges vont alors commencer à se produire. C'est un film thriller psychologique, horreur, enfin... C'est très sombre. Ouais, apparemment c'est assez sanglant quand même. Ouais, ça a l'air trash. Moi j'ai des personnes qui sont allées le voir, ils ont dit je pensais vraiment pas à un truc comme ça avec Mylène Farmer. Ouais, mais elle a une personnalité oui, assez... Ça, oui, ouais. Ça m'étonne qu'elle n'ait pas... Enfin, qu'elle joue dans ce type de film que maintenant, que ça n'arrive que maintenant. Oui, que maintenant, parce que c'est quand même sa personnalité. Ouais. Son passé et sa personnalité, ouais. Je la vois mais bien. Non, franchement, ça a l'air d'être un très bon film. Les critiques qui reviennent sont très bonnes. Ah. Alors, ensuite. On l'entend au moins quand elle parle. Oui, parle pas. On l'entend. Alors, ensuite sort Game Night avec Jason Bateman, Rachel McAdams et Kyle Chandler. C'est un film de Jonathan Goldstein. Et ça sort en France le 18 avril. Donc, pour pimenter leur vie de couple, Max et Annie animent un jeu une nuit par semaine. Cette fois, ils comptent sur Brooks, le frère charismatique de Max, pour organiser une super soirée à thème autour du polar avec vrais faux malfrats et agents fédéraux. Brooks a même prévu de se faire enlever. Sauf qu'il reste introuvable. En tentant de résoudre l'énigme, nos joueurs commencent à comprendre qu'ils se sont peut-être trompés sur toute la ligne. De fausses pistes en rebondissement, ils n'ont plus aucun point de repère et ne savent plus s'il s'agit encore d'un jeu ou pas. Cette nuit risque bien d'être la plus délirante et la plus dangereuse de toute leur carrière de joueur. Donc là, c'est une comédie un peu policière. Comédie à l'américaine. Hein. Ouais. Ouais. On aime ou on n'aime pas, moi, je trouve ça assez sympa. C'est pas rassurant. Alors, peut-être que tu seras plus attiré par le film Red Sparrow avec Jennifer Lawrence, Joel Edgerton et Jeremy Irons. C'est un film de Francis Lawrence, rien à voir donc avec Jennifer Lawrence, aucun lien de parenté. Et ça, c'est sorti en Belgique le 28 février. Donc c'est une jeune ballerine dont la carrière est brisée net après une chute qui est recrutée contre sa volonté par les services secrets russes. Entraînée à utiliser ses charmes et son corps comme des armes, elle découvre l'ampleur de son nouveau pouvoir et devient rapidement l'un des meilleurs agents. Sa première cible est un agent infiltré de la CIA en Russie. Entre manipulation et séduction, un jeu dangereux s'installe entre eux. Oh. Là, c'est assez violent. Pourquoi aussi. Hein. Peut-être que tu vas plus aimer que la comédie. Ah, là, oui. C'est plus action, c'est plus violent. Peut-être que tu vas être plus attiré par ce style de film. Il n'y a pas de souci, c'est comme dans Sausage Party. Ou par une comédie française. Donc, qui sort en Belgique et en France demain, c'est Gaston Lagaffe avec Théo Fernandez, PEF, donc Pierre-François Martin Laval, et Arnaud Ducret. C'est un film de Pierre-François Martin Laval. En gros, il a repris la quasi même équipe que Les Profs. Ouais, ah, voilà. Mais enfin, Gaston débarque en stage au Petit Coin. Donc, la porte à ressort. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, avec ses inventions délirantes, il va changer le quotidien de ses collègues. Chat, mouette, vache et gaffophone seront au rendez-vous des aventures de notre bricoleur de génie qui ne pense qu'à faire le bien autour de lui mais qui a le don d'énerver Prunelle, son patron. Les gaffes à gogo de notre empêcheur de travailler en rond pourront-elles éviter que le redoutable monsieur de Messmaker rachète le Petit Coin? Et l'acteur qui fait Gaston, il est trop top. Hein. Théo Fernandez, il ouais. Bien, hein, ben, moi, j'ai un peu de mal. C'est vrai que pour avoir vu la bande-annonce, ça retranscrit ouais. quand même bien la ouais, BD. La BD. Moi, j'ai un peu de mal. Moi, pour moi, Gaston, c'est vraiment un personnage de BD. Ah oui, après, j'ai un oui. peu de mal avec les adaptations comme ouais, ça. Ouais, moi, ça. Non, je te rejoins. Moi, je trouve qu'il colle bien au personnage. C'est comme les Astérix, j'ai eu vraiment du mal, sauf avec celle de Chabat, Mission Cléopâtre. Que j'avais trouvé vraiment sympa parce qu'il y avait vraiment un humour assez décalé. Mais c'est vrai que quand il y a une attaque... pour avoir Martine à la place. Ça viendra peut-être. Ah, oui, on l'aura peut-être. Hein. Mais non, c'est vrai que j'ai vraiment du mal. Quoi. Quand c'est une adaptation de BD en film, à voir. Alors, vous iriez voir quoi? Moi, j'irais peut-être quand même voir Mylène Farmer. Ouais. Ouais, rappelle-moi le titre par contre. Ghostland. Ghostland, ouais. Ouais, ouais ça m'a bien, ouais. Ouais, ouais, là. Alors, Ghostland. Et toi, d'accord. Ouais, je sais pas, Ghostland. Ouais. Téléchargement légal. Et toi, Sherlock? Ah, moi, peut-être Game Night. Ah oui. Le film où le mari et la femme doivent retrouver le frère. Ah ouais. Alors, ça me tente bien. Le temps passe, les amis. Et oui, vous proposez d'enchaîner le défi mix. On va enchaîner le défi mix. Il va nous parler quand même rapidement du DJ Contest là, parce que. Oui, alors on aura le temps d'en reparler parce que voilà. Alors ça va se passer le dernier week-end du mois de juin, donc on est oui, encore loin. Ouais. Ça va alors. Et pareil pour les votes qui se passent via Facebook, mais on en reparlera, je pense, lors d'une prochaine émission. Okay. On a le temps d'ici fin juin, ça va rester ouvert au niveau des là, ouais, au niveau des votes. Oui, oui, ça dépend. Après cette émission, on sait jamais. Bon, eh ben écoute, alors, on y va pour la troisième session. Ça va être chaud. Ça va être chaud, mais ça va être sympa, je sens. Ouais, mais tu vas assurer. On va démarrer avec Queen. Ah bien. Vas-y. Alors donc c'était I Want to Break Free hein, de Queen. I want to break free. Vas-y. We'll be right back.

Ça réveille sur RLM quand ah même. Ouais, Martin Garrix, bon. Ça se termine en beauté sur cette troisième session, c'est sympa quand même. N'empêche que les troisièmes sessions, bah, c'est vrai que c'est celle souvent des plus speed, hein, puisqu'on arrive à la fin de l'émission et voilà. C'est ça vrai, met un coup de dynamique. Ouais, pourquoi le temps passe très très vite. Il est quelle heure, Sherlock? Il est exactement 21h passé de 57 minutes. Oh là, il nous reste 3 minutes le temps de se biser, de se dire au revoir, de remercier Stéphane. Bon voilà, c'est fait. Ciao, bye. T'as bien assuré, c'était chouette. Bah, écoutez, passe toujours très vite. Ouais, trop vite. Mais on se fait plaisir, c'est vrai. Plaisir. Si vous voulez avoir un plaisir double, n'est-ce pas, venez retrouver Stéphane. Attendez, j'ai pas fini. Venez retrouver Stéphane à l'élection donc, du prince du carnaval. Donc c'est ce samedi-ci, donc à la salle Roger Salongro. Donc voilà. Oui. N'hésitez pas. Ah ouais, on t'entend bien alors. Non, oui, il faut parler très très près. Oui. Très près du micro. Eh ben en tout cas, merci Sherlock. Je t'en prie. Merci pour cette belle rétrospective sur le film de 1993 et sur les sorties Cinoche. Oui. Merci Stéphane, évidemment. Oui, merci. Avec plaisir. Merci, merci à vous. Merci à nos amis auditeurs. Merci pour vos commentaires. Puis, n'hésitez pas d'ailleurs. Bien sûr. Vos commentaires. Absolument. N'hésitez pas. Et puis, merci aussi à notre Onissa à nous. Oui, et voilà, plaisir pour cette belle chronique sur Alf. On se retrouve la semaine prochaine. Peut-être, c'est pas sûr encore parce que je suis en vacances. Ah bah dis donc. Je vais essayer, mais je serai certainement pas là non plus. Donc vous aurez Canon et Sherlock. Ouais, c'est si Canon est là, ouais. Mais Dieu de choc. Non mais si sinon, c'est bah, écoute, oui, si tu m'appelles au secours, il y a aucun souci. Mais oh yeah, oui. Ah bah on est pas loin, on est pas loin. Stéphane, t'es le bienvenu. Mais oui, oui, sauve-le. Ça marche. Bon, bien, portez-vous bien. Oui, bonne semaine à tous. De RLM, bien évidemment. Et puis nous, on se retrouve mardi prochain. Ouais. Même heure, même antenne sur RLM. Et dès demain, Arnaud Tirard à partir de 7h jusqu'à 10h. En pyjama. J'espère qu'il nous mettra un petit Modern Talking. Oui, parce qu'on n'a pas eu le temps de passer Modern Talking. Et François Valéry aussi. Oui, c'est vrai. J'ai écouté demain matin exprès. Est-ce que tu as remarqué comme ce défi mix termine pile poil à l'heure top horaire de 22h? Allez, big bisous, ciao. Ciao.